Ça va, nous pouvons bouger. Allons-y, hey. Je vous ai dit au début que nous allons assister à un répertoire de musique qui est basé sur des textes, des beaux textes, à l'image de Lamartine en France, à l'image de Victor Hugo. Nous avons des grands poètes en chanson chez nous, à l'instar de Mwandido Danos Kantaniboma, avant qu'ils ne reviennent pour nous jouer un tube qui a marqué les années 80. Nous voulons rendre hommage à un grand monsieur qui fait la promotion de la musique africaine, de la musique du monde, et qui célèbre et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Madame Laurence Alloire, une grande dame de RFI. Je ne sais pas si elle est là. Qu'on l'applaudisse très fort, s'il vous plaît. Pendant que la grande dame s'apprête, je voudrais rendre hommage à celle qui constitue mon choix, ma moitié, mon cœur. Je voudrais que chacun pense à celui ou à celle qui peut s'approcher de sa poitrine. Moi, je pense à la mienne. Mon choix s'appelle Chérie F, Mère F, Fanny Badoubola. Mes hommages, madame. Hommage à un grand monsieur du showbiz, celui qui a fait que nous puissions être là, monsieur Martin Messonnier, que je demande d'applaudir très fort. Martin, hey. Est-ce qu'il est là, Martin? Monsieur Martin Messonnier, qui peut dire un mot à ce beau public qui bouge. C'est un tel grand plaisir d'avoir un groupe magnifique comme ça, comme on n'a jamais, quoi. Donc, bravo Niboma, bravo à tout le groupe Congo Ngele, hein. Faites du bruit un peu. Il va bouger avec moi, allons-y. Je voudrais rendre hommage à tous ces artistes et musiciens talentueux qui constituent l'équipe nationale de la musique de la RDC. J'appelle ça les classements de base. On applaudit très fort pour les classements de base de la Rumba. À la batterie, Johnny! niveau du Congas. Na Tumba. Applaudissez Emeric Nambonda. Emeric. À la basse, nous avons celui qui a joué aux côtés du grand maître Franco et le tout-puissant K-Jazz. Voici Mbuta Maccabi, Flavien Maccabi. Est-ce que ça va? À la guitare rythmique. Il a joué avec tous les grands de la musique congolaise moderne. Il a accompagné Kofi Olomide à l'Olympia de Paris, au Zénith, à Bercy, et il a joué avec tous Fofo les collégiens. Guitariste qui est celui qui arrive avant les brouillards. Il a accompagné Bokul Papa Wemba dans plusieurs œuvres. Il a accompagné les seigneurs de la chanson congolaise, de la chanson africaine, Taboulé Rochereau et la frise internationale. Il a fait presque toutes les scènes du monde. Il a accompagné Madilou System. Il a accompagné Pépé Calé. Il est avec Niboma. Ce soir, applaudissez Londende Kae Madoka. Au niveau du clavier, un grand monsieur arrangeur, auteur-compositeur, ingénieur de son, il s'appelle Monsieur Malonga Brice. Brice Malonga, on l'applaudit fort. Cellule provient d'une cellule préexistante. Un monsieur qui vient de la chorale d'une église que dirigeait son papa qui fut pasteur. Voici ces chanteurs polyvalents, ces chanteurs aux multiples systèmes, j'allais dire Zico Timba. Ancien disciple de l'éléphant de la musique congolaise, ancien disciple de Pépé Calé, il est polyvalent, on l'appelle l'homme orchestre. Voici celui qui a été dans Zaiko Langalanga. Il a fait toutes les scènes et l'homme orchestre qu'on appelle orchestral, c'est Lodi Mukaba. Lodi!